vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM, Canal Sud.net, c'est Nuisance, il est 21h20, nous sommes le 4 juin 2010. Thank you. say that the whole question of police brutality, of the police being an arm of the state, of the government, and it's the government that's the problem. So these crimes will take place as long as this government exists and as long as we are weak and cannot fight back. Fight back. Don't you want to do my team? can you don't have a steel shell for questioning? What's the challenge? Possession of ganja. We'll be right back. Watch your super G. The wicked part of what goes in your guys. Listen.

Jackson. Check it. I just wanna know. I don't wanna go. I don't wanna know where we've been before. And it's always this thing. It's going down like a sting. It's ringing against my passionate, glorious thingamajig of a thing. Rationalisation de la pensée comme une situation de l'être, comme une situation des lettres qui sont délétères. Ainsi, pleutre, les pleutres sont et restent ainsi faits de passion dorée. Il n'y a pas de débilitation dans un instant. L'instant vaut tout plus que le moment. Présent, passé, futur, inconditionnel, à passer, une constitution inconstitutionnelle, à passer, le moment a passé, le moment est passé de faire des choses qui nous intéressent. Il ne reste rien que les débilitances d'une passion dorée, et avec la faisance. Il n'y a pas de réticence. Ah, la débilitance. Ainsi, les choses se font en travers de la gorge. Et comme de travers, il n'y a pas. Ce se fait comme ça, il n'y a pas de possibilité de tergiversation dans une débilité pareille. Nous ne faisons que le pareil au même et du pareil au même. Je ne suis pas de ceux qui croissent, mais qui croient en ceux qui croissent. Ainsi, c'est de ceux. Eh ouais, vous êtes bien sur Canal Sud 92.2, hein? 2, 9, 2, 2, 1, essai, deux. C'est un essai. 1, yeah. C'est certain. Ouais, ouais. Certain. 1, certain. Il y en a d'autres. Une position certaine dans un laps de temps. Un et temps quand... relatif au mouvement et en quand... lui-même. Et quand tu fais de ça dans le latent, je crois. Une basse. Une corde qui s'agite. Une voix. Et un doigt. Beat. Un doigt. Un doigt. Un doigt de soupçon, de métaphore. De métaphore. De métaphore grossière. De métaphore grossière dans le huc. De métaphore grossière dans le huc. De métaphore grossière. De métaphore grossière dans le huc. De métaphore. De métaphores grossières dans le huc. C'est déraillé. Sort it out. about y'all. I don't give a shit about you at all. I don't give a shit about me. In fact, I don't give a shit. No way, no way. No way. No way out of here. Nous allons vers l'abîme. Oh oui. Nous allons nous entériner dans un sort précoce. La précocité du sort m'intéresse, m'interpelle. Il y a une possibilité de sortir de la possibilité, de sortir de la débilité pensante, de sortir de la pensée débilitante, de sortir. Vous voulez sortir? Abonnez-vous à Nuisance, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous êtes sorti. De l'autre, du néant. C'est l'enfer, ça y est, vous y êtes. Vous êtes sur l'enfer, branché aux ondes de l'enfer. L'enfer, c'est sur Terre, c'est maintenant. C'est sur Canal Sud. Vous vouliez, vous l'avez. Vous avez l'enfer, l'enfer sur Terre. Fuckers. I'm always killing so fucking hard. Je la retourne. et tu lui laisses un message, un texto, et je lui dis à l'éternité que j'en ai rien à foutre. Je vais la tuer, l'éternité. L'éternité n'est rien, une débilitante passion. Démon ce soir pour vous, oh plus offrant le démon, oui, ce démon là, celui que vous attendez tous et toutes, le démon est là pour vous ce soir, le plus offrant aura le démon pour vous ce soir, le démon ce soir. Yeah, t'es trop mauvais. Il est où le son là? Alors. Quoi, le son? C'est pourquoi faire le son? Parce qu'on n'a pas besoin de son en fait. J'aime cette résonance, cette caisse, cette boîte, ces bruits, cette diversité qui ensemble construit un thème musical. Une Je confirme l'autre T est là, l'as de la lassitude, ça résonne dans ma tête, comme des faux espoirs de lassitude. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui veux, c'est pas toi. Qui veut? C'est pas moi qui veut. C'est pas moi. C'est lui qui veut. C'est pas moi. C'est pas moi qui veut. C'est lui. C'est lui qui veut. C'est lui qui veut. C'est lui qui veut. C'est lui qui veut. Like being the one, two, threes. I'm the glorious, passionate, glorious, dispassionate, glorious ones. So here goes another dispassionate, glorious thing, I'm a jig of a thing up your nose, and that's where I wanna be. I wanna be, I wanna be, I wanna be, I wanna be stupid, stupid. I just wanna be stupid, stupid. I just wanna go away. I hate myself. I think I'm gonna die. I know it's all going away to this place in hell. I know it's there. We're going there. We've been the ones, the twos and lowest thingamajigs of a thing. And that is where it's all been sought to. Qu'est-ce qu'on fait, bordel, dans cette vie de merde? Mais qu'est-ce qu'on fait, bordel, dans cette vie de merde? Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout. On s'en fout, surtout. Nuisance. Du bruit. Nuisance. 92.2. Nuisance. Nuisance. Nuisance veut dire 92.2. Nuisance. Nuisance. Nuisance veut dire signifier de rien. Nuisance. Nuisance. Nuisance veut dire. Nuisance veut dire signifier de rien veut dire de tout. Vous êtes de ceux qui croissent. L'harmonie emplit tout. Nuisance veut dire. Les refrains sont de ceux qui croissent vers le haut plutôt que vers le bas. Ainsi, les refrains croisent vers le haut et pas vers le bas. C'est dit. Maintenant, passons à autre chose. Les refrains, les refrains, les refrains, les refrains, les refrains. Imaginant le serpent la possibilité entre sa queue, l'homme fellationné, la fée. Toujours faire, ainsi c'est possible, il n'y a pas de possibilité, il va croire, il va croître, il n'y a pas de tangible, tangente, vers l'obscur, l'obscurité, non, peut-être possible, un jour arrivera, vers une impossibilité. Ceci, c'est possible. Pour toi, oui, c'est possible. Un tout, c'est possible. Un tout, un univers. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Nous allons tous crever. Nous allons tous crever. Oui, il n'y a pas de possibilité. Oui, vous allez faire. Être. Vous allez faire. Oui, pas moi. Oui, pas être moi. Ne peut être. Moi, je veux pas. Je veux pas faire. Je veux pas être. Recommencer. Je veux pas devenir. Je veux pas changer. Je veux rester. rester pareil. Non, tu veux rester la même chose. Ah, je suis mort. Toujours, je suis être. Toujours. Non, toujours cette non, même avoir. Chose. Non, je veux plus. Non, je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer. Je te la mets. Oui, profondément. Profondément dément. Il y a une nuisance sonore dans l'être. Il y a une nuisance sonore dans l'être T. I'm going down to the leprechaun world. I'm going down to the leprechaun world. Motherfuckers, I don't give a fuck about y'all. I don't give a fuck about me at all. In fact, I don't give a fuck about mothers and alls and bitches and alls and motherfuckers and alls and stupid fucks and alls. And I don't give a fuck at all. I don't give a fuck about it. I'm gonna fuck about fucking fucking fucking fuck fuck fuck fucking all. Fucking all is all a business about it. I like to be the one who fucks it. I just wanna be the ones that choose to be the ones that choose to fuck it. Yeah. Avec ces nouvelles lois, Sarkozy, tu fais pas un pas sans pas retrouver ce commissariat. Dès la vingtaine, tu te retrouves en quarantaine. Eh ouais, quarantaine. C'est ainsi que ça se passe là-bas. Entre quatre murs, un seau pour pisser, une planche pour rêver, à la liberté jamais gagnée. C'est ainsi que ça se passe là-bas. Liberté, fraternité, égalité. Va te faire mettre. Oui, ah oui. Va te faire mettre, ça c'est bon. Va te faire mettre. Oui, il faut se mettre au lieu de se faire démettre. Encore une fois. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Eh ouais. Là-bas c'est bien mieux qu'ici. Car là-bas. Tu veux pas mettre dessus. Car là-bas. Tu veux pas être de ceux qui démettent. Ainsi la tête. La tête là. Démise là, la tête démise, il n'y a pas de là, il n'y a pas de la la la, il n'y a pas de blablabla, bla bla dans cela. Eh oui, une solution peut être, citoyen, citoyenne, venez voter nombreux pour une popularisation de notre peuple, dans une solidarité d'une dominance incroyable. Vive l'Europe et sa constitution, un pouvoir d'achat élevé, non plutôt un pouvoir économique, de moins un pouvoir d'achat qui s'embaisse, mais bon, faudrait dire, oh merde, travailler plus, gagner plus, solitaire, solitaire. Pourquoi vivre avec les autres quand tu peux vivre tout seul? C'est bien mieux. Ouais. Solidaire, solidaire avec la terre. Moi ce que je veux c'est de démettre les enfers plutôt que de démettre le paradis. Moi ce que je veux mettre c'est l'enfer. Ah oui. Up there. And it's always here and there and everywhere. Anywhere, anytime, anyway. I don't think think it's ever gonna rhyme. So I give myself the time to be the ones to choose the glorious pastures of a thing of a wombat wing. Yeah. The glorious pastures of a thing of a wombat wing. Wing, wing, wing. Ouais, ouais, de mon quartier, j'en suis pas, j'en suis pas. Mais je te dis pas comment on dit comme ça encore une fois. Ouais, il faudrait faire beaucoup de boucles quand la boucle en elle-même est une boucle. Ouais, mal, faut dire. Ouais, un tourisme total. En boucle. Ouais, ouais, de mon quartier, on fume pas. Eh, c'est quoi ce bordel? sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement sur Nuisance avec Akok, Davy, Farid et Al. Thingamajig of a thing. I don't want to be the ones, the twos, the threes, the fours, the five, the sixes, the sevens, the eights, the nines, the tens. I just wanna be the 12s, the 12s, the 12s, the 12s, the 12s, the 12s, the 12s. And I just wanna be the ones, the ones, the ones, the ones, the ones, the ones, the ones, everywhere. Censé être un pur freestyle, un taillage de la normalisation. Assez mou, on n'est pas encore prêt à s'endormir. Davy à la basse, McFarid au micro, un peu beatbox mal réussi, Akok avec sa capacité à produire des sons extraordinaires et un mixeur extraordinaire. Mm-hmm. Vous étiez sur Canal Sud, enfin vous êtes toujours sur Canal Sud, mais ce n'est plus Nuisance, c'est fini Nuisance, Nuisance c'est fini avec Akok, Davy, Farid et Al.